laisse ma pensée. Les lapins a tombé. Pour qu'il me suspende dans mes idées. Ça fait comme un bondi. Before. Fuck Ola. Tande tout côté, passe tout mon ati. Femme sa marée, femme sa marée. Baguette un peu belle.